locataires, proposons tous nos revendications. S'il faut, nous les imposerons, mais aujourd'hui, ne nous laissons plus faire. À la cloche de bois, on vous parle des luttes pour l'accès au logement pour toutes et tous. Et on soutient un lieu de vie alternatif et autonome, avec ou sans papier, à Bruxelles et ailleurs. Une fois par mois sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus. Salut, salut, chères auditrices, auditeurs. Coucou. Salut, bienvenue à la cloche de bois. Ding dong. Et dans ce 18e épisode de cette émission à la cloche de bois, on commencera l'émission avec l'actualité sur la question du logement et on parlera des actions à venir prochainement, notamment autour des Housing Action Days. On passe l'extrait d'une action devant le parti politique des filles contre les hausses du loyer et on lancera une nouvelle rubrique des petites histoires des squats à Bruxelles. On appellera également depuis ce studio deux habitantes du squat Hôtel Flambeau qui fêteront bientôt leur 3e anniversaire. Et on terminera avec la suite des actus. Pour accompagner tout ça, Monsieur Paul et Balthazar mettront du son sur les mots avec des impros en live. Mesdames et messieurs, bonjour. Madame, monsieur, bonsoir. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonsoir, bonjour. C'est Jeannot, 18e cloche de bois, qui l'eût cru. C'est le retour du printemps, les oiseaux chantent, la sève monte et l'envie d'action est au retour. Alors, le Rassemblement pour le droit à l'habitat nous propose en date du dimanche 13 mars une petite formation et un atelier. À partir de 11h30, pas de repas de midi prévu, prévoyez votre pique-nique. Il y aura donc cette formation du RBDH. De midi à 15h, ce sera la crise du logement à Bruxelles, les éléments, les explications et introduction au monde de la promotion immobilière avec Anne-Sophie Dupont du RBDH et Aline Fares d'Action Logement Bruxelles. La première partie sera crise et acteurs du logement à Bruxelles, quelques bases pour mieux comprendre. Malgré de nombreux signaux d'alarme d'ailleurs, lancés depuis 20 ans par la société civile, la crise du logement bruxelloise n'a de cesse de s'aggraver. Au cours de cet atelier, on tentera donc de décrypter les causes et les enjeux de la crise du logement. Ils introduiront également le rôle des acteurs privés et publics dans cette situation. En deuxième partie, comment la promotion immobilière façonne-t-elle la ville? Qui sont certains des acteurs de premier plan actifs à Bruxelles? Quels sont les impacts de la financiarisation croissante d'une part du logement sur les habitants et les habitantes bruxelloises? Avec un partage des résultats de l'étude publiée par Inter-Environnement Bruxelles dans le journal Bruxelles en mouvement. De 15h à 18h30, ce sera, imaginons des scénarios d'action, c'est en mode freestyle et autogéré. De 18h30 à 20h, il y aura un repas à prix libre et de 20 à 22h, une formation à l'affichage. Dans le cadre de ce Belgian Housing Action Day, il y aura aussi, je le précise, une manifestation qui aura lieu le dimanche 27 mars au départ à 16h, place du jeu de balle à Bruxelles. Alors, qui dit retour du printemps dit aussi retour des amours. On peut faire de belles rencontres dans un squat. Si on est à la recherche d'un toit, on peut considérer que le squat, l'occupation, la récupération des abandons de la ville comme une option, mais un manque de compagnons ou de compagnonnes peut être criant pour ne pas lancer ces squats. Alors on t'invite à un squat dating convivial, l'occasion de rencontrer d'autres personnes afin de créer ton collectif avec lequel partir en recherche de lieux. Au programme, un speed dating accompagné d'activités afin de partager des besoins et des envies, et de faire émerger des projets d'occupation. N'aie pas peur de venir seul, c'est le but de la soirée évidemment. Alors c'est quand? C'est chaque dernier jeudi du mois, Ici, en l'occurrence, ce sera le 31 mars à 19h. Et ça se passe où? Ben, au Burtwinkel, 13 Place Anne-Essens. Pardon. Le but de cette soirée est de faire germer les collectifs d'occupation. Si tu es simplement curieux sur le sujet ou en recherche de tips, pratiques, juridiques ou autres, nous te redirigerons vers la Permanence Squat. Permanence Squat qui, elle, a lieu le lundi. Vous pourrez avoir toutes les informations en envoyant un petit mail à remplir.levide@riseup.net, remplir.levide@riseup.net. On mettra de toute façon l'adresse mail sur le site de la Cloche de Bois pour vous faciliter la vie. Alors, on en avait déjà parlé dernièrement en janvier, mais il y a un petit texte assez intéressant qui est paru sur Internet dont je vais vous parler parce qu'il nous parle ici à tous au sein de l'émission La Cloche de Bois. Le texte s'appelle « Ils marchent avec notre sommeil, soyons leur pire cauchemar ». Début janvier 2022, un infâme marchand de sommeil du quartier Lemonnier à Bruxelles se fait tuer à coups de couteau par un de ses locataires. Le quartier se souvient bien du proprio. Location de petites chambres insalubres, à des prix exorbitants, et à un mode d'emploi, la pression et la menace. Les journaux parlent de drame, de quelque chose d'incompréhensible, de criminel. Ils placent le propriétaire dans un rôle de « victime », entre guillemets. C'est leur boulot de nous brouiller le cerveau, nous fabriquer des œillères, pour qu'on ne voit plus ce qui saute pourtant aux yeux. On n'est pas dupes. C'est vrai que c'est un drame. Et le drame, c'est ce qui nous tue tous les jours à petit feu. C'est de vivre l'humiliation de devoir payer un loyer avec des vautours. C'est de tomber malade à cause de l'insalubrité. C'est de subir des menaces d'expulsion. C'est d'être foutu dehors. On n'a pas besoin de connaître les personnes en question, ni le contexte exact dans lequel les actes sont déroulés pour comprendre de quoi il s'agit. Leur existence contre un propriétaire exploiteur de merde. Cet acte n'est pas isolé. Il se comprend dans un contexte plus global, celui de la propriété privée, de l'obligation de payer des sommes énormes juste pour se loger, des rapports de pouvoir entre propriétaires et locataires ou autres usagers de l'espace, le pourrissement conscient et voulu de certains quartiers et l'embourgeoisement d'autres. L'État, le capital et leurs agents exploiteurs d'un côté et nous, de l'autre évidemment. La question du logement est essentielle et vitale dans nos vies. On a tous et toutes besoin de se loger et pourtant, si on n'a pas hérité de papa et maman, on se voit refuser l'accès à un logement digne de ce nom. On vend notre temps de vie au patron, juste pour pouvoir vivre, manger et se loger. Mais ce que cet acte nous enseigne, c'est que face à cette situation, on n'est pas désarmé. On peut ne plus être des victimes. Pour la grève du loyer, la résistance aux expulsions, l'occupation des bâtiments vides, le rêve d'un monde sans propriété, ni propriétaire, ni patron, retournons le rapport de force. Soyons leur pire cauchemar. Dans le cadre de ce petit texte, il y a une affiche qui est diffusée. On vous la mettra également sur le blog de la Cloche de Bois. Et par vos nuits de pleine lune, n'hésitez pas à recouvrir les murs de la capitale. On va faire maintenant une petite pause musicale et on se retrouvera bien après dans l'émission. Bise. J'entendais encore ce matin un intellectuel à gages qui étalait à la radio le contenu de son bagage. Il justifiait, oui, il cautionnait l'ignorance et la misère. Il se croyait nouveau, ce laveur de cerveau, il n'était que réactionnaire. Je n'ai pas droit à la paresse, tant que l'aliénation progresse, à ça correspond à mes fibres, se reposer ou être libre. Je vomis la nomenclature qui préfère l'ordre à la justice, se faisant flatter sur les plateaux télé par ses lapins de service. Plus encore que sur Dieu, pathétique fiction, je pisse sur ces prophètes dont les obsessions misogynes terreur étouffent la planète. Je n'ai pas droit à la paresse, tant que l'aliénation progresse, un chat correspond à mes fibres, se reposer ou être libre. surtout pas ne pas refuser d'apprendre. Parce que je veux, oui, je peux même commencer à comprendre. Résister, oui, encore résister à la propagande orthodoxe. Monter ma garde, oui, monter ma garde, comme dans un combat de boxe. Je n'ai pas droit à la paresse tant que l'aliénation progresse. Un choix correspond à mes fibres. Se reposer ou être libre. Se reposer ou être libre. Se reposer ou être libre. Se reposer ou être libre. C'était donc Fred Alpi, Se reposer ou être libre. Avant cette petite pause musicale, je vous ai parlé d'une manifestation organisée dans le cadre du Belgian Housing Action Day. Pour vous donner envie d'y participer, eh bien, on va écouter un petit retour sonore sur l'édition 2021 de ce Belgian Housing Action Day. Soyez tous présents. Merci Chloé. Au micro du RBDH. Au micro du RBDH. Le Housing Action Day, c'est un week-end de mobilisation européenne autour du droit au logement. Il aura lieu les 26 et 27 mars 2022. Cette année, les revendications se concentrent autour de celles de la baisse des loyers. Cette série est réalisée en collaboration avec la FEBUL, la Fédération bruxelloise Unie pour le logement, et IEB, Inter-Environnement Bruxelles. Ah ouais, une petite précision, je suis pas guitariste. Et une autre précision, ils sont pas chanteurs, et moi non plus. Allez, il faut que je me mette le là. Je chante faux. J'ai le trac, je vous avoue, j'ai le trac. Allez, on démarre. Nous, on veut trouver un logement d'abord. Avoir un lit dans un autre décor. Passer notre vie chez nous et pas dehors. Non. Aujourd'hui, c'est le 28 mars. C'est une journée internationale d'action et de lutte pour le droit au logement en Europe. Il y a plus de 75 villes qui ont participé ce week-end à ces mobilisations. Et en Belgique, on est plusieurs collectifs et associations, une soixantaine, à se retrouver dans ces revendications qui sont vraiment assez radicales, mais vraiment hyper réalistes quand on voit les besoins qui sont les nôtres aujourd'hui en Belgique. D'ailleurs, juste à Bruxelles, en fait, on ne sait toujours pas si le moratoire contre les expulsions, sur les expulsions va être prolongé. Alors qu'en fait, ça va peut-être se terminer mercredi. Les gens ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Donc on voit bien que le logement, c'est censé être une priorité. Dans la tête des gens, dans la vie des gens, ça occupe une place incroyable et c'est pas suivi d'effets politiques. Résilience. Oh non, on veut trouver un logement d'abord, avoir un lit dans un autre décor, passer la nuit chez nous et pas dehors. Il y a quelques années, j'ai traversé moi-même une situation de mal logement. Donc j'ai vécu dans un logement insalubre. Je sais ce que c'est que le parcours de combattant pour pouvoir être bien logé. C'est ce qui m'a amené à vouloir militer pour le droit à un logement salubre et suffisant, durable pour tous. Après de longues péripéties, j'ai toqué à plein de portes parce que j'ai été inscrite à de nombreuses AIS, au logement social. J'ai même dû atterrir dans une maison d'accueil. Étant donné que mon logement avait été déclaré insalubre, il fallait que je le quitte. Et dans l'immédiat, la solution que j'avais, c'était une maison d'accueil. Et même pour obtenir une place en maison d'accueil, j'ai dû forcer les portes du CPAS. C'est comme ça qu'avec leur aide, j'ai pu obtenir un logement social. Bien que j'ai trouvé une solution à mon problème, il y a plein d'autres personnes, plein de familles qui vivent encore dans le mal logement. Mon souhait serait que les politiques puissent encadrer les loyers dans le privé. et puisse générer aussi plus de logements sociaux. Parce que, comme on le sait tous, il y a plein de familles, 49 000 personnes qui sont en attente d'un logement social et rien ne bouge. Alors qu'on sait qu'il y a des bâtiments vides. Et avec la situation sanitaire actuelle, ça n'arrange vraiment pas les choses pour plein de familles qui vivent dans le désarroi. Donc c'est un cri de cœur que je pousse là vers les politiques. Ils n'ont pas idée de ce que les familles traversent, peut-être parce qu'eux, ils vivent dans un certain confort, mais il y a des familles qui se meurent dans le désespoir. On pense que le logement, c'est un droit avant toute chose et que les problématiques du type profit, marché, tout ça, ça doit vraiment être relégué au second plan. On a toutes et tous droit à un logement digne, accessible et qui répond à nos besoins. En fait, c'est possible. Ne pas le réaliser, c'est un choix politique contre lequel nous, on entend lutter. Housing Action Day, c'est un week-end de mobilisation européenne autour du droit au logement. Il aura lieu les 26 et 27 mars 2022. Des associations, collectifs, citoyens, citoyennes se mobilisent. Alors, rejoignez-nous. Et justement, pour une des actions qui se sont faites récemment, pour aussi appeler à la Housing Action Day, c'était il y a deux semaines, je crois, on s'est retrouvés à Chaussée de Charleroi, près de Place Stéphanie, devant le siège du parti politique Défi. Et on s'est retrouvés là avec des personnes qui sont mal logées, qui subissent un loyer beaucoup trop cher, avec des associations aussi qui soutiennent, avec une grande bonne rôle qui appelle à lutter contre tout ça. Et on a diffusé aussi des tracts pour justement appeler au Housing Action Days fin mars. Et c'était drôle parce que en faisant ça, on voyait tout de suite comment ce monde il est un peu divisé entre ceux qui prenaient les tracts et qui disaient « Franchement, j'arrive plus à payer, il n'y a plus rien qui va, ça ne va pas du tout, et il faut prendre la rue, il faut résister. » Et ceux qui ne voulaient même pas prendre le tract et qui nous regardait d'un air méprisant et qui était probablement propriétaire ou flic, parce qu'il y avait aussi les flics en civil. Voilà, on va vous passer un petit morceau du moment qu'on est tous là en train de crier et tout ça, et qu'il y a un type de Défi qui descend. Alors, il aurait fallu voir ça, un mec en costard-cravate qui descend parmi une foule de personnes, sans beaucoup d'argent. Et c'était vraiment très touchant. Voilà, on vous passe le morceau. Il n'y a pas un sous d'index pour tout le monde. Tous les salaires ont été bloqués. Vous vous souvenez de ça? Vous allez écouter. On a demandé l'index. On a demandé qu'il n'y ait pas d'index des loyers. Pourquoi? Non, attendez. Attendez. En fait, y a pas, vous voulez juste parler de votre en truc. En fait, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas envie de dialoguer. Énorme dans les médias. Nous, ça nous arrive presque jamais. Vous n'avez pas besoin de dialoguer, en fait. Mais vous allez baisser cet index. Vous n'avez pas besoin de dialoguer. Vous allez baisser cet index. Vous m'écoutez ou pas? Vous écoutez ou pas? Allez, on va vous écouter. Parce que si c'est juste pour parler de votre histoire. Dans un pays, Des filles, Non mais moi j'ai l'idée. Vous savez que je fais du bureau d'aide juridique tous les jours. Et les premiers qui vont être augmentés, ce sont justement les allocataires sociaux. Excusez-moi, mais c'est eux qui ont 4%. 4%. Non, tout de suite. Vous ne connaissez pas votre dossier. Non. Au 1er janvier, l'ensemble des allocataires sociaux ont été augmentés de 5%. Les gens qui sont dans les logements sociaux ont été indexés de 5%. 5%. Vous trouvez ça normal, Le PS? Est-ce que le PS a plafonné les logements sociaux? Non. Quel parti a bloqué la proposition de limitation en Wallonie, le décret a été annulé. Il était inconstitutionnel. Est-ce que vous connaissez au moins votre dossier? Est-ce que vous connaissez votre dossier? Vous connaissez pas la réalité, monsieur. Mais non, parce que le décret a été annulé. Le décret wallon a été annulé. Donc on ne peut pas faire une ordonnance qui soit illégale. On ne peut pas discriminer tous les bailleurs. Habiter sans abri, des filles, il n'y a pas de dialogue. On est juste face à des militants du PTB, c'est tout. Quel PTB? Personne n'est du PTB. Il y a 5 ans du PTB ici. Et même pas, c'est con. Il y a plus que le PTB. Parce que justement, Vous savez ce qui va se passer. Franchement, un gros bourge qui dit qu'est-ce que vous en savez, et moi je sais mieux que vous vivre la galère de personnes qui savent plus payer leur loyer. Franchement, il faut oser ça. Voilà, tout ça avant, quand on parlait d'index, c'était un peu l'occasion pourquoi on était là, parce que, comme on sait tous, voilà, le loyer il augmente tous les ans, avec l'indexation qui monte tous les ans, et il y avait une proposition de bloquer l'indexation, l'augmentation, et en fait le défi a dit non, il faut surtout que les loyers puissent continuer à hausser, et donc on s'est retrouvés là, et le mec il a simplement dit non, mais je sais de quoi je parle. Bref, on sait beaucoup mieux que lui. Mais donc là, on va écouter un morceau en live avec Monsieur Paul et Balthazar. Ben oui. Bonne écoute. Partant pour tout, ça ne définira pas pour autant. Pourtant le temps nous rappelle les échos d'un autre vent. Le vide nous appelle, on prend la suite de la belle ville. C'est la belle vie à Bruxelles. Allô le vide, j'écoute. Allô le néant. Oui, je doute. Capitale alternative, on s'active, on arrive. Solidaire et insoumise, sous tes airs libertaires, tu nous attaches le cœur à la dérive. Oh, tu pars loin, Bruxelles. Je pars loin, dans ce pays où tombent des perles de pluie. Un rayon de soleil imaginaire nous réchauffe les oreilles. Je le vois dans ton sourire. Il fait beau cette semaine. La vie est belle comme la ville. On dirait bien que tu l'aimes. Bruxelles, je t'aime. Cultivons la belle ville, sans la belle, on a la belle vie. Ça serait presque facile. Bruxelles, ma belle, je t'écrirai des poèmes pour cultiver la belle ville. Bruxelles, je t'aime, mais c'est trop facile. La merde, c'est partout pareil. Moi, ce que j'aime, c'est ta bohème et la salse pareil. Bien ce que je dis, c'est trop facile. On a la chance de goûter la belle vie. Manger la crème sans l'oseille avec tous les phénomènes. Et les gens que l'on aime se mélangent à la flemme. De voir le sourire de la belle ville en souvenir édenté par la haine. Oh. Oh. La haine? Mais qu'est-ce donc? Vous parlez d'un concept, là, donnez-moi des exemples. Un grand haine. Ah. C'est trop facile. Je vois, c'est facile d'avoir un grand haine. Non, vous n'avez pas l'œil, vous ne voyez pas. Vous ne pouvez pas comprendre. Aujourd'hui, c'est la sortie des poubelles, comme un Larsen Zen dans le système Z. Cours d'appel à l'étalage. Pour rappel, on a la belle vie. On bloque les dérapages pour encourager la belle ville. Ou de l'Ali. Ou de l'Ali. Coups et blessures par derrière. Cours d'appel à l'étalage. Coups et blessures par derrière. Tonton Fa fait la loi. L'altesse des fleurs s'est métamorphosée en reine des pucks. Reviens le doigt levé. Tu l'as fait saigner. C'est fini. C'est filmé par les fous. Assistance à personne en danger. Tombé sur les genoux sous tes coups. On va te faire chier. Tu vas devenir mou. On va te montrer. À la télé pathétique, automate et pas d'éthique, c'est la ville que tu casses quand tu touches à nous. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Mais qui êtes-vous, monsieur ? Droit de réponse, c'est tout. Mais qui êtes-vous ? Vous êtes le droit de réponse ? Je suis nous. Mais monsieur, dites-moi qui êtes-vous, ça va être beaucoup plus facile pour la suite de la situation, croyez-moi. Sans le masque, nous, tout ce qu'on clame, c'est la belle ville. T'as menti. Pas de justice sans tes complices. Rapport de farce, pile ou face de milice. Assassin de la police te menace. Avec perspicacité, enquête d'humanité cachée sous le casque. J'ai menti, vous aussi vous avez menti alors. Qui a le plus menti, ça, je vous le demande. Nous tous qu'on clame, c'est la belle ville. La belle vie. Sans la belle ni matraque, Bruxelles reste belle. On y mélange nos cœurs. On allège tes poubelles, pêle-mêle, on se rebelle sans rancœur. De macaque, aime la reine des fleurs. On fait la sieste, on boit la mer. On fait la fête, on broie du zèle. La liberté, ma sœur, l'amour et la révolution de nos adelphités, frères, on reste fiers. Même si l'époque nous dit le contraire, nous confronte à nos pierres, terre, mer. On a nos vies pour vérité, tu peux venir vérifier, la vendetta de nos folies n'a pas d'état mais des complices. Bah, allez-y, parlez donc, si vous avez tant de choses à dire. Hein. Je ne vous mets pas de baillon. Hein. Quelques limites et peu d'obstacles, ça se passe comme ça, ici et là, depuis des années déjà à Bruxelles. On a la belle ville, c'est la belle vie, mais la haine dans sa poubelle, on est là pour faire le tri, pas de grève sans peau pourrie. On lance la balle dans la steppe sauvage de l'anthropocène. La route s'embellit, quand la roue s'emballe, le monde s'en mêle. Et quand moi je descends, j'ai les nouvelles. On vous sortira avec les poubelles. Il y a du soleil sous la pluie à Bruxelles. On a la belle ville qui sourit. La vie est belle sans la belle à Bruxelles. Et quand je descends, je suis plus qu'une poubelle. Merci, quand même. Parce que ça va finir par devenir vexant à la fin. C'est à force de m'objectifier comme ça. Vous croyez qu'on va où, en fait ? Ça vous paraît quoi, le projet, là ? Je ne sais pas. Bon, d'accord, alors ? Projet, il n'y a pas. Ah, mais pas de projet, ben ça, je suis bien d'accord avec vous. Vous voyez, là, on est d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de projet. Mais par contre, là où on n'est pas d'accord, c'est que nous, on s'en fout. Ah, nous, on s'en fout. Vous ? C'est le goût. C'est nous. On s'écoute Fifi Cooper. Zagala, Zagala, Zagal, Zagal, Zagala. Kichita lima gang when I was gone wild. I got everything planned. Has to go well. Dito bata khana fanda. Channel, you come with a better plan, be a better man, and you always gotta be aware. Mental that I'm trying to span. All these Mandela's too much, man. I think I need a rubber band. Too long I call it, says to gill again. The long I want, it's saying to gill again. It's in a word, I kinda understand. Fed it, no, but by a joke, I cover there. We gon' party all night until we shop out to a lot of my baby. It's crazy how ready can I love who fit a la little but my baby. Sit low tip of a cost to not rabu chupa wet. Feeling myself, I soak away. I hope I'm not this, so please, hey, wet. Got to Sagala. Kichita lima gang when I was gone wild. I got everything planned. Hey, Sagawa. Dito bata khana fanda. Hey, Sagawa. Sagawa. Dito bata khana fanda. Getting to the city back seat, cooler box, got on a teddy teddy. Now who did it? So we came hot off to matter the party. We bought to party. Take off, get your car hit. You bought my old leg, the monte car hit. But my boat, take a boat, take a block, mega monte. Having a good time, go hot. Ain't no party like a Mark Cooper party, cause a Mark Cooper party don't stop. And my movement too loud, and my pockets too loud. Get ka ching ching, hit the mouse, so girl. Tito tibu ha cost to night, rabu chupa wet. Feeling myself, I soak away. Hey, so go away. I debut that hot, now so please, hey, Oscar, don't so gala. Kichita lima gang when I was gone wild. I got everything planned. Hey, so go away. Dito bata khana fanda. Hey, so go away. Dito bata khana fanda. She's the host on the sweaty, got it frustrating. Everybody's hanging around as we're chilling, Morricone. We're waiting for the party to start. The vibe is going on and on. Meant to go down tonight. Tell me what I okay tonight. Hope on that it blooming or not. Everybody who's down or not. It's meant to go down. Là, on vient d'écouter Zwagala de Fifi Cooper featuring Obakeng Moribe, qui est un morceau choisi par la copine qui a été la première à participer à notre nouvelle rubrique qu'on va s'écouter maintenant, les histoires de squat à Bruxelles. Très contente de vous proposer une nouvelle rubrique, celle des petites histoires des squats bruxellois. Parce que ces rues de cette belle ville bruxelloise est parsemée de petits récits, histoires, expériences des squatteurs, squatteuses qui ont vécu et lutté, des histoires drôles, des histoires tristes, des histoires qui foutent la rage et des histoires qui nous donnent chaud au cœur. Bonne écoute et si vous avez des histoires à partager, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à lacloche-de-bois@riseup.net ou nous en parler tout simplement. Moi je garde un merveilleux souvenir des premières nuits dans les squats. Quand tu ouvres La porte, quand enfin la porte ou la fenêtre ou le toit ou peu importe l'entrée par laquelle t'es rentrée. Et la toute première nuit, celle où tu découvres, où tu peux pas allumer la lumière, où t'es à la lampe torche, à la frontale, où tu découvres les pièces, tu dois pas faire de bruit. Et l'impression d'être un chat sauvage qui fait un truc absolument interdit et en même temps hyper jouissif d'arriver sur les... dans les toutes dernières traces que la poussière, elle a immortalisées. Des derniers et des dernières occupantes, quoi. Le dernier squat où j'ai habité à Bruxelles, on est rentré, on s'est retrouvé dans une maison avec des piles de livres, des tonnes de livres, des livres jusqu'au plafond dans toutes les pièces. Il y avait... la cave, le rez-de-chaussée, 1, 2, 3 étages, tout était rempli de bouquins. C'était fou et je me souviens de cette première nuit où on a dû déplacer des piles de livres pour dormir au milieu de ça. Et on a appris plus tard que c'était un vieux qui vivait tout seul depuis la mort de sa femme et qui était devenu collectionneur un peu fou dingue, doux dingue, et qui allait tous les jours chez les bouquinistes. Et il ramenait, il achetait des tonnes et des tonnes et des tonnes de livres. Et il y avait de tout. On a trouvé des trucs, enfin, collector, quoi. Et il y avait tellement de livres dans cette maison que ça a fini par fissurer les murs. Il y avait une fissure qui s'agrandissait et qui faisait, on pouvait passer le bras dedans. Un jour, on a même monté un bar clandestin. On a décidé que ce serait tous les lundis. Et tous les lundis, il y a des gens qui allaient faire la récup au marché pour faire une bouffe et des gens qui s'organisaient pour tenir le bar et il y avait voilà du monde. C'était au 47 et je crois que tous les gens qui y étaient, ils s'en souviennent encore parce que le rendez-vous du lundi, pendant quelques mois, ça a été un rendez-vous pour plein de gens. Un rendez-vous de sociabilité dans le milieu où il y avait plein de gens qui se croisaient, qui se seraient jamais croisés autrement, qui permettaient de s'échanger plein d'infos. Sans être obligé d'utiliser le téléphone, mais en se passant des petits mots. Et je garde un trop bon souvenir de ce moment-là, de la clandestinité, de bordel, qu'est-ce que ça permet d'avoir un lieu ouvert que tu peux... qui est pas ouvert à tout le monde, mais en même temps, il y a plein de gens qui peuvent être au courant et avoir l'info, et ça, je trouve, ça manque grave. Et en vrai, je vais continuer à parler du 47, parce que depuis, j'ai plus jamais eu accès à un lieu assez grand et qui a duré assez longtemps pour permettre autant de choses. Comme la chorale qui s'est tenue pendant plusieurs mois aussi, une fois par semaine. C'était trop bien de se retrouver pour chanter ensemble. Et ça réunissait des gens qui se voyaient pas forcément en dehors de plusieurs cercles, mais qui avaient une affinité là-dessus et c'était trop chouette. On y a monté un groupe de théâtre forum aussi sur la question des violences sexistes et notamment sur les histoires d'agression dans les groupes de potes et de comment ça se gérait juste pas et que nous on avait envie de balancer notre pavé là-dessus et de travailler, de s'entraîner et d'amener cette question-là dans nos milieux parce que ben voilà ça arrivait quoi, ça arrivait, ça arrive toujours et que en fait c'était juste trop bien d'avoir un lieu où on pouvait faire tellement de choses, où il y avait des soirées. Alors il y avait un peu trop de soirées punk à mon goût, que c'est pas, j'aurais bien aimé qu'on nous propose d'autres trucs. Mais il y avait quand même voilà les activités qui étaient possibles et c'était vraiment trop précieux d'avoir des lieux comme ça, quoi. Un jour, j'ai eu envie d'avoir une machette. C'était un dimanche matin. C'était un lendemain de grosse soirée, comme d'hab, gros concert de punk au 47. Et je me souviens, quand on avait fini la soirée, il y avait un type du quartier, donc c'était quartier Matongué, qui était là et qui avait demandé à dormir là parce qu'il était complètement bourré. Et on lui avait expliqué que c'était un lieu d'habitation et que du coup, non, il ne pouvait pas rester. Et le lendemain, j'étais seule tout avec un pote en bas. On était en train de commencer à nettoyer. Et ça toque, je vais ouvrir, est à ce même type. Les yeux injectés de sang complètement, qui avait l'air complètement défoncé et qui me demande s'il peut rentrer. Et je lui dis ben non, la soirée elle est finie, en fait c'est une maison. Et là il pousse la porte et il rentre. Et il rentre et je me retrouve moi avec mon 1m55 en face de ce type qui fait... Enfin j'ai l'impression qu'il faisait 2 mètres de haut, mais il faisait probablement pas 2 mètres de haut, mais qui se met à me balancer des horreurs, à me hurler dessus, à me dire que... qui va me fracasser la gueule et qui va me défoncer la chatte à coups de pied de chaise. Et t'avais mon pote à côté qui était en panique, qui disait « Je vais chercher machin, je vais chercher machin !» Et machin, c'était c'était mon cum qui dormait au-dessus. Et en fait, j'ai eu un sursaut de fierté de ouf et je voulais pas qu'il aille chercher un cum. Je voulais me démerder toute seule. Et à un moment, je sais pas, j'étais en... juste Keblo à lui dire qu'il fallait qu'il se calme, qu'il n'y avait pas moyen, qu'il fallait qu'il parte. Et j'ai senti à quel point j'étais toute petite et que j'étais juste pas capable de foutre ce mec dehors. Et j'ai fini par dire « Ok, va le chercher !» Et voilà, le pote est descendu du haut de son 1m90 et de ses 90 kilos, là. Et puis, boum, à coup de clé, enfin, il l'a menacé d'une clé à molette et il l'a fait sortir. Et c'était horrible comme moment, parce qu'on était à Matongé, dans le quartier congolais, on était les petits blancs anarchistes qui essayaient de pas faire de la gentrification, et voilà, t'avais des blancs qui venaient de foutre un Renoir dehors à coups de clé à molette, quoi. Trop chaud. Et ce jour-là, j'étais tellement mal et tellement vénère que j'ai dit « Je veux une machette, je veux une machette, je veux une hache, je veux des armes pour me défendre !» Et le pote, il m'a dit « Mais en fait, tu vas faire quoi de... d'une arme, en fait, si tu ne sais pas t'en servir, qu'est-ce que tu vas en foutre, quoi ? Elle va juste se retourner contre toi. » Et voilà, ça fait partie des moments que j'ai jamais oubliés. Depuis, je fais de l'autodéfense féministe. Ça s'est passé, je crois que c'était, ça devait être en 2014 ou 2015. Je me suis retrouvé un peu par hasard à faire le sous-marin pendant une nuit avec certaines personnes que je connaissais pas dans une maison qui était dans, je crois, la rue la plus chère de Bruxelles, je crois, la plus bourge de Bruxelles, même, enfin la plus bourge d'Uccle. Moi j'ai toujours entendu que c'était genre ouais, une des rues les plus chères, où il y a plein d'ambassades, de trucs, de machins. Enfin voilà. Et donc je me suis retrouvé à faire le sous-marin, c'est-à-dire à squatter la maison, occuper la maison pendant quelques jours sans se faire remarquer, pour après pouvoir déclarer que des gens y habitent depuis plus de 48 heures. Voilà, je sais pas si ça se passe encore comme ça maintenant. Mais voilà, c'est pour ceux et celles qui savent, voilà, je crois que les gens voient de quoi je parle. Et du coup, voilà, je me suis retrouvé à passer une nuit là-bas, et je connaissais une ou deux personnes, on était peut-être 5-6, je sais plus, et voilà, mais je connaissais pas tout le monde. Et je débarque là le soir, on a passé une bonne soirée, je sais plus, on a joué à des jeux et tout, machin. Puis le lendemain matin, ça commence à traîner et tout, je me dis bon, il est temps que je bouge et tout. Je commençais un peu à m'ennuyer, voilà, j'avais envie de rentrer chez moi. Et voilà, pile au moment où j'étais en train de me dire, bon, ça y est, je décolle, il y a quelqu'un qui sonne. Et alors là, c'est branle-bas de combat, personne ne sait exactement quoi faire, alors qu'on avait parlé plein de fois et tout, machin. Et puis il y a une pote qui se coltine le truc, qui avait un peu endossé le rôle, voilà, qui avait un nom et tout, machin, hein, et qui avait une messagerie, elle s'était créé tout un personnage, quoi. Et elle va voir la fenêtre et elle va commencer à essayer de voir ce qui se passe. Et en fait, c'est le propriétaire qui, je crois, est anglais et qui commence à essayer de parlementer avec lui et à lui dire ouais, voilà, à faire comme si elle comprenait pas exactement ce qui se passait. Nanana. Et le gars assez vite il pète un câble. Il est là, ouais, donc la maison, je crois, elle est en vente ou elle allait être en travaux ou je sais plus c'était quoi l'histoire. Bon, elle était vide évidemment, mais et voilà, et lui il pète un câble, il dit non, vous sortez de là et tout machin, il s'énerve comme un ouf. Et voilà, elle essaye de parlementer pendant ouais peut-être 5 minutes et tout. Et puis Là, il s'énerve de ouf, il dit « Ok, j'arrive, machin. » Et puis là, putain, nous, on est en gros stress, on commence à plier toutes les affaires et tout, on capte pas ce qu'il veut faire. Et puis, 5 minutes après, le temps qu'on rassemble tout, qu'on se dise qu'on sait pas trop comment réagir, qu'est-ce qu'on fait s'il essaye de forcer la porte et tout, machin. Je pense qu'on avait, je me souviens plus très bien, mais je pense qu'on avait bloqué la porte, mais bon, il y a des grandes fenêtres partout, voilà, et puis on n'était pas non plus à être déter pour faire une défense d'Apache, quoi. Et voilà, et puis au bout de 5 minutes, en fait, on capte que le gars, il est passé par chez les voisins. Je sais pas comment il a fait, il a escaladé le mur. Et comme ça a débarqué, on entend des grands boum boum dans la vitre et tout, et dans la vitre de la porte du jardin. Et en fait, on voit que le gars, il est avec une rame. Une rame en bois et il est en train de défoncer la fenêtre du la fenêtre de la porte du jardin et il défonce la porte, enfin il défonce la vitre et tout, et là ça commence à être le, enfin on est trop en stress et tout, on se casse tous comme des oufs. Le gars il arrive à rentrer en gueulant dessus comme un malade et tout, et puis on détale toutes et tous dans la rue, on se sépare et tout, et moi j'ai juste eu le temps de jeter un œil en épaule et de voir le gars tout rouge en train de nous courir après avec sa rame en bois à nous engueuler, à nous dire des trucs, je sais pas. Et voilà, et après moi je me suis retrouvé, enfin je me suis posé à un bar pendant genre une grosse demi-heure, j'ai vu les civils en train de tourner, en train de zioter et tout. Moi, je sais plus comment j'étais habillé, mais je me sentais cerné à faire un peu tâche dans le quartier vraiment le plus bourge de Bruxelles. Et voilà, gros moment de stress, mais quand j'en reparle encore avec les potes que je vois encore et qui on a vécu ça, on en rigole bien, mais voilà. Donc attention, il y a des propriétaires qui peuvent être bien bien énervés et qui sont prêts à tout pour récupérer leur bien inoccupé. Voilà. Bisous. Et voilà, c'était la rubrique squat, nouvelle rubrique d'histoire sur les histoires de squat proposée par Wendy, et on va s'écouter Zion Train, No ID, et on poursuit par la suite avec l'Hôtel Flambeau, interviewé en exclusivité depuis Radio Air Libre, Radio Panique, Radio Campus, dans quelques instants. Et là, on s'écoute Zion Train, No ID. We'll be right back. Salut, bonsoir. Salut. Ok, on a les habitants de l'hôtel Flambeau en ligne. Et donc, on voulait savoir un peu c'est quoi l'hôtel Flambeau, depuis quand vous existe. Ben du coup, en gros, c'est deux collectifs qui étaient d'environ 7 à 8 personnes qui habitaient dans des squats et qui se sont retrouvés à ce moment-là complètement par hasard parce qu'on devait changer de lieu, les deux groupes, et on avait des amis en commun qui nous ont dit qu'on cherchait tous les deux à ouvrir le même bâtiment, donc l'hôtel 50 avenue Lambeau. Et du coup, bah, ça s'est fait il y a 3 ans, c'était début novembre. Et après, le lieu est rapidement devenu un lieu d'accueil aussi de personnes, de voyages qui passaient, d'amis, mais aussi de personnes qui sont plus dans le besoin, qui sont plus précarisées. Et on a mis en place, du coup, par exemple, des personnes qui viennent d'Éthiopie pour la plupart, qui essayent de passer en Angleterre, qui vivent du coup au 4e étage. On leur a alloué une cuisine et un espace pour eux, et du coup ça tourne. Et voilà, il y a ça, et puis il y a le noyau solide à côté de gens qui restent de manière plus durable. Moi par exemple, je suis là depuis 3 ans, et il y a des gens qui partent et qui sont remplacés. On est toujours à peu près une quinzaine de personnes à habiter de manière permanente, quoi. Et beaucoup de gens gravitent autour. Et donc, dès le début, vous avez eu cette idée pour ouvrir le squat à d'autres gens, à d'hébergement d'urgence, ou c'était un peu venu après ou... Assez rapidement, on s'est dit qu'on avait envie de faire de l'accueil parce que, comme c'est un hôtel, il y a 26 chambres à peu près. Il y en a un peu moins qui sont vivables parce qu'il y en a qui ont été réutilisés comme des espaces communs et parce qu'il n'y avait pas de cuisine par exemple, donc on a dû transformer une chambre en cuisine. Et du coup, du fait qu'il y ait un grand espace, même s'il y a peu d'espaces communs, on s'est dit ça peut être chouette d'accueillir un peu des personnes et que ça tourne et que ce soit jamais rempli que des mêmes personnes et que ça tourne un peu, ouais. Et pour le reste, comment ça fonctionne chez vous ? Comment vous prendrez un peu la décision ? Est-ce qu'il y a des réunions d'assemblée, des choses pour le déroulement dans le squat ? On fait une réunion par semaine en principe. Et ensuite, chacun, s'il y a des tâches à faire, on se les répartit en petits groupes de travail. On travaille à 2-3. Par exemple, là, on est en train d'écrire un guide de fonctionnement du flambeau, justement, vu qu'il y a des roulements. Et donc ça, on s'y met à plusieurs. Mais pas tout le flambeau s'y met, comme ça, au moins, ça évite que ça prenne trop de temps. Ouais, donc c'est un peu à la choix de chacun de s'impliquer un peu plus dans le squat. Ouais, c'est un système très organique, comme ça. Et est-ce que vous êtes aussi impliqué dans d'autres projets ? Parce que je vous ai vu plusieurs fois ici avec un genre de cuisine mobile, petit déjeuner dans plusieurs lieux d'action aussi. Oui, c'est notre coloc Texas qui a une entreprise remarquable. C'est une ASBL plutôt, en fait c'est une ASBL, c'est pas une entreprise, pardon. et du coup, lui il fait 1 million de trucs avec et notamment ça, il a une remorque... transformable en cuisine pour cuisiner n'importe où. Et c'est n'importe où. Donc n'importe où. Tout le monde peut faire appel à votre cuisine mobile, ça. Oui. Remarquable, oui. L'ASBL, elle s'appelle Remarquable et du coup, vous pouvez les contacter. Après, il y a des remorques qui peuvent être aussi créées, ça peut être des remorques musiques. Là, il y a le projet d'une remorque théâtre. Ok. Oui. Normalement, c'est juste des remorques pour vélo que tu peux louer. Pour un abonnement à l'année, pour rien du tout, quoi. À la base, on lui fait un peu de pub, comme ça. Ok, et c'est votre 3e anniversaire, et donc, comment ça fonctionne ? Parce qu'au début, vous avez quand même eu un peu de problèmes, vous êtes mis en justice assez vite au début du squat, non ? Et maintenant, ouais, comment ça a un peu stabilisé la situation ? Ouais, alors en fait, nous, on a une stratégie de se montrer directement, d'essayer de négocier un peu directement avec la propriétaire, quoi. Et du coup, on a réussi à trouver son contact, on a essayé d'entamer la négociation, et elle nous a répondu par une procédure judiciaire, donc il n'y a même pas eu de discussion, quoi. Et du coup, c'était la loi anti-squat qu'ils ont essayé d'appliquer. Donc ça, c'était en février, c'était il y a un an et demi, à peu près. Même 2 ans, je crois. Ouais, c'est 2 ans. Et en fait, la loi n'a pas pu être appliquée pour des raisons qu'on ignore un peu. En gros, à la fin de la procédure, le procureur du roi devait signer, mais il l'a pas fait. Et il y a beaucoup de choses, d'hypothèses possibles pour lesquelles il n'aurait pas fait ça. On dit notamment que l'hôtel rentre pas trop dans les clous par rapport à cette loi, la loi anti-squat, parce que c'est pas vraiment une habitation. Et que nous, on a essayé de faire beaucoup de bruit aussi médiatiquement et de faire jouer nos réseaux, quoi. Et après cette histoire, on n'a plus jamais eu aucune nouvelle de la justice. Et donc, on touche du bois. Pour l'instant, tout va bien. Le squat est pérenne. Ok, super. Donc, il y a un avenir pour Teleflambeau. Et vous allez fêter ça? Est-ce qu'il y a encore moyen de s'incruster dans la fête? Oui, oui. On va faire ça à Bita Brut Bis, samedi 12 mars. Donc, à partir de 16h. C'est en Anderlecht, si je ne dis pas de ouais. C'est à Bistebrook, non? Ouais. Et donc, vous commencez déjà l'après-midi, non? C'est, Ouais, ça commence en fin d'après-midi avec quelques petites activités. On ouvre les portes à 16h. Et après, on enchaîne avec des concerts jusqu'à 2h du mat. Il y aura un groupe acoustique et des DJ sets de techno. L'après-midi, il y aura de la sérigraphie, il y aura des ateliers de collage, il y aura... justement des remorques pour tester, si vous avez envie de tester les remorques derrière les vélos. Il y aura une marionnette. Et après, à partir de 19h, il y a la chorale cheval, c'est une chorale polyphonique d'Europe de l'Est et un peu partout. Après, il y a Awa Kemo, un méga groupe de cumbia. Après, il y a Fessé, une chanteuse DJ électro. Et après, il y a deux DJ sets. Ouais, c'est toute une grosse fête, quoi. C'est... Ah oui, c'est... jusqu'à qu'on n'en puisse plus, il faut qu'on soit sur les rotules à la fin, c'est impératif. Et c'est aussi un genre de soirée de soutien, si j'ai bien compris, parce qu'il y avait un prix demandé. Ouais, en fait, donc la soirée est prix libre, n'importe qui peut rentrer pour le tarif qui juge juste en fonction de ses besoins et de ce qu'il a envie de payer, en fait, c'est... Et nous, après, on conseille quand même que ce soit à peu près entre 10 et 15 euros parce qu'on a décidé de payer un peu les artistes. Donc, ça coûte beaucoup d'argent quand même une soirée. Et voilà quoi. Si après, je compte sur les gens pour boire au bar, je pense qu'il n'y aura pas de problème. À mon avis, on va pouvoir mettre un peu de sous de côté pour l'hôtel. Oui, parce qu'on a quand même des fois des grosses dépenses, comme on est nombreux à dire, dans ce lieu. Quoi. Ouais, ok. Allez, merci pour en parler. Bonne continuation avec le squat. Et donc, on se verra samedi. Hein. Ben merci. Vous êtes bienvenue. Ouais. Ok. Vous avez dit que vous faites vous-même la musique, c'est ça? Ouais. Ok. Et c'est laquelle? C'est quoi? C'est quoi comme groupe? C'est de la musique électronique que j'ai composée moi-même avec mon ordi et une amie qui chante dessus. Merci et au revoir. Yeah. Merci beaucoup. Salut. Merci. Enjoy your life. leave me. That's sticky. That sticky greed in you. Can you breathe again? It's fine, I know. When I rise, all I have to do is shine. So stay with me. Just children playing, don't try authenticate. Low energy, high vibe, momentum swings me through the loophole you could find. Écouter un autre parce que c'est quand même une soirée flamboyante et un peu cuir, et donc on va écouter Gossip avec Heavy Cross. Of nature. Jeannot, le retour pour les news de cette 18e cloche de bois. Bonne nouvelle, le collectif des bénévoles sans papiers de Bruxelles, qui occupe depuis mi-février un ancien hôtel rue Royale, a signé une convention d'occupation avec le propriétaire. C'est environ 50 personnes, dont de nombreuses familles et enfants, qui pourront y trouver un toit pour au moins un an, jusqu'au début des travaux. Ils et elles sont organisés dans un nouveau collectif pour assurer leurs droits fondamentaux, notamment le logement, et pour lutter pour la régularisation. On cherche pour aménager ce bâtiment, en ordre de priorité s'il vous plaît, du matériel pour des cuisines, cuisinières, frigos, micro-ondes, des boilers, robinets de douche et d'évier de salle de bain, une machine à laver, matelas, lit, literie, rallonge, lampe, ampoule, matos de nettoyage pour le sol, les vitres, des seaux, des sacs poubelles, des grands bacs à poubelle, des tables et des chaises, du mobilier, des canapés, des étagères et des rideaux. Pas de vêtements, s'il vous plaît. Si vous avez tout ça, et si vous voulez vous en débarrasser et faire plaisir aux occupants de cette occupation du 312 de la rue Royale, vous pouvez venir déposer ça. Il y a toujours quelqu'un en permanence à l'accueil pour recevoir les dons. Big up à tous les occupants et aux nombreux soutiens pour cette belle victoire, notamment la coordination des sans-papiers de Belgique, la voix des sans-papiers Bruxelles, Murmure, le réseau ADES et Culture Game. Maintenant, on va prendre un petit peu d'envol et on va aller en direction d'Athènes. Et pas plus particulièrement pour vous conter l'histoire d'un squat historique d'habitants sans-papiers, le Prosfigika, si je ne me trompe pas, qui est menacé d'expulsion. Il et elle ont publié un appel que j'ai reçu avec quelques messages invitant à les soutenir. Votre groupe militant, votre groupe de potes aura peut-être envie de faire une action, d'envoyer un message ou simplement de faire passer le mot. Vous pouvez aussi vous rendre sur place pour les aider si vous avez envie de visiter cette belle ville d'Athènes. Alors, leur petit texte qu'ils nous ont envoyé, c'est le suivant. Compagnonne, compagnon, cet appel s'adresse au collectif et aux individus du monde entier pour rejoindre la défense combative de Prosfigika contre la répression imminente. La tentative d'évacuation de notre communauté doit être transformée en un événement central de résistance et en une victoire contre le pouvoir politique et la gentrification de nos quartiers. Le quartier de Prosfigika a été construit en 1933 pour les réfugiés venus d'Asie mineure. C'est dans ces conditions qu'émerge un quartier ouvrier animé aux caractéristiques communautaires. Aujourd'hui, c'est l'un des plus grands complexes immobiliers du centre d'Athènes, n'est toujours pas embourgeoisé et exploité par des investisseurs ou par l'État. C'est un lieu qui a une signification stratégique, car il est situé entre les deux piliers de l'autorité. D'un côté, la Cour suprême, et de l'autre côté, le quartier général de la police. Dans le cadre socio-spatial, certaines militantes qui vivaient déjà dans le quartier en tant que squatteurs ont décidé de s'organiser. En 2010, ils et elles ont initié la communauté occupée de Prosfigika, ayant comme organe politique central et décisionnel le SICAPRO, l'Assemblée occupée de Prosfigika, un organe communautaire pour la vie quotidienne et la lutte politique. 10 ans plus tard, le projet a pour résultat un quartier politiquement unifié. De nombreux appartements squattés, des structures communautaires autonomes comme la maison des enfants, le café des femmes, la boulangerie, des structures de vêtements, de nourriture et de santé, couvrant les besoins de dizaines de personnes, familles, migrantes et réfugiés économiques et politiques. Beaucoup de ces personnes étant sans papier, âgées, malades ou très pauvres. La communauté maintient en même temps une participation constante aux luttes locales et internationales et une grande perspective révolutionnaire. La communauté s'organise sur base de l'auto-organisation, l'autonomie, l'action directe, la propriété collective, l'égalité sociale et politique. La libération des féminités est également à l'ordre du jour. Sur la base de ces valeurs et méthodes, différentes nationalités et religions, différentes organisations et visions politiques coexistent et travaillent ensemble pour résister et vaincre le capitalisme, l'État et le patriarcat, en appliquant le modèle du confédéralisme, qui est le modèle de toute société qui souhaite se construire sans État. En tant que SICAPRO, nous participons aux luttes locales du mouvement anarchiste et plus largement du mouvement radical sur le territoire grec. Ces dernières années, nous avons participé à plusieurs luttes pour les prisonniers. Par exemple, la grève de la faim de Dimitris Koufounitas, au cours de laquelle, avec des dizaines d'autres camarades, de membres de notre communauté ont été arrêtés lors d'interventions massives. Nous soutenons le mouvement étudiant radical, qui tente constamment de revendiquer des espaces de lutte au sein des universités, avec comme point central la participation à l'occupation de l'université polytechnique, un symbole de résistance contre la dictature. Nous avons été impliqués dans de nombreuses luttes anti-répression en solidarité avec d'autres squats et camarades, et nous défendons activement le quartier d'Essarkia contre la répression et la gentrification. De plus, des membres de notre communauté sont partis soutenir, dans une perspective internationaliste, la révolution sociale du mouvement de liberté kurde, connu sous le nom de Rojava. Et nous comptons comme martyr un de nos compagnons, Ogukur Ilmarsson, alias Spark. En même temps, notre perspective internationaliste et notre solidarité incluent l'accueil d'organisations révolutionnaires turques et kurdes et de leurs réfugiés politiques dans des structures de la communauté. De même, des camarades du monde entier visitent ou s'organisent au sein de notre communauté. Bien sûr, ces relations incluent la solidarité avec des projets à l'étranger, dont l'un des exemples les plus forts est celui du Rigueur 94 à Berlin. On en avait d'ailleurs déjà parlé dans cette émission. La défense du quartier est déjà en cours à travers l'existence même de la communauté, son organisation, ses actions, ses événements publics et nos petites confrontations avec les flics, chaque fois qu'ils se déplacent de manière menaçante dans notre quartier. Et cette défense a prouvé son efficacité lors des grands affrontements d'octobre 2016 contre les flics et l'invasion de fascistes. À l'heure actuelle, en cas d'invasion ou d'éviction, nous sommes prêts à défendre fermement notre quartier. Et il existe de nombreuses façons de contribuer à cette résistance. En même temps, chaque expression de solidarité, action et de contre-information le renforcera. Il existe un moyen de participer à la défense de Prosfigika. Vous pouvez venir dans le quartier. Dans la communauté, nous avons des espaces dédiés à l'accueil pour une période d'un certain temps. Des internationaux qui veulent connaître notre projet, rencontrer ses habitants, s'impliquer dans les structures communes. Le programme de vie quotidienne est prendre la responsabilité d'une résistance active dans le quartier. En termes pratiques, cela signifie s'impliquer dans les processus contre la répression qui sont en cours. Faire partie de la confrontation, si elle se produit pendant le temps de séjour, et participer à la procédure de solidarité qui émergera après le moment de répression. Une aide supplémentaire à la défense des bâtiments peut être donnée à travers le partage de connaissances techniques et le travail pour la fabrication de barricades, l'équipement et le matériel de combat ou de systèmes d'alarme. Vous pouvez aussi également faire des déclarations et des actions de solidarité. Nous considérons l'importance de chaque banderole, chaque slogan et publication comme contribuant à la défense politique de Prosfigika. Dans une logique d'infliger le plus grand coup possible à l'appareil de l'État et à la richesse capitaliste en termes de destruction, de violence et d'exposition sociale, les actions de solidarité agressives et militantes sont les bienvenues. Les raisons communes de défendre Prosfigika. Défendre le quartier de Prosfigika signifie pour ce projet en particulier de maintenir son territoire d'existence actuel et ses habitants et leurs structures et leurs logements. Cela signifie aussi de poursuivre plus de 10 ans de travail, d'organisation et de lutte dans le centre d'Athènes, qui subit un processus brutal de gentrification. Cependant, nous ne percevons pas ce territoire comme séparé des mouvements locaux et internationaux d'autonomie et de libération de l'oppression des États et du capital. Par conséquent, nous croyons qu'une résistance combative et au mieux victorieuse contribue à tous les projets qui se trouvent dans cette logique et qui sont politiquement et historiquement liés. En effet, la bataille de Kouaki aux opérations de réoccupation réussies, en passant par les conflits de grande ampleur comme la Rigarstrasse, les exemples de collectifs et de communautés de lutte choisissant la voie de la résistance combative se multiplient. Nous avons vu que de telles actions déstabilisent les pouvoirs écrasants de l'État, créent la confusion, l'obligent à reculer. Parce que nous construisons une valeur politique et sociale, il vaut la peine de se battre pour cela. parce que nous savons que rien ne nous sera donné. Nous devons l'obtenir avec détermination et par des moyens radicaux. En tant qu'assemblée occupée de Prosfikika, nous accueillons toute participation, suggestion ou projet, et notre quartier est ouvert. Nous espérons des luttes communes et victorieuses. J'en terminerai là-dessus, et pas d'inquiétude. Tous les liens utiles à la compréhension de ce qui a été dit se trouveront sur le blog de la Cloche de Bois. Être de chair et de sang, à l'air innocent, produit d'une mère exemplaire et d'un père absent. Les premiers vers dans le rap, un jeu adolescent, parce que je n'ai rien à faire d'hyper intéressant. Je rêvasse, je dessine, passe à la piscine, l'été, le reste du temps sur place, je prends racine. Du fond de la classe, la terre et l'espace me fascinent. Je ne ferai jamais médecine, c'est ce que je ressens. Locataire d'une cité où les tours sont austères, mon histoire c'est d'y être noir, donc minoritaire. Hébété par les débilités que la télé déblatère, et cette grande timidité qui m'a rendu solitaire. Arrêtez la routine, remettez la bobine et évitez de laisser le bitume irriter les rétines. Cessez de bousculer l'exclu à la gueule masculine. Mes origines et mon air androgyne, je ne sais pas faire sans. Et le temps ne va pas mater ma personnalité. Il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et je suis dissipé, mal dans ma peau. Je fais des 100 pas, mais ne sais pas où trouver mon drapeau. Comme très tôt trempé par la bave du crapaud, je me sens dupé et trompé par le reste du troupeau. J'ai fripé la copie ou est frappé l'épopée des impies accro à l'utopie qu'on a estropié. Et j'ai pillé avec dépit ce pays développé où sans répit on doit palper pour payer ses impôts. Et la peur du faux départ demeure mon repère dans les remparts et sous les regards des langues de vipères. Le manque de victoire forge mon caractère, mon territoire ne va nulle part, normal je me perds. Marre du crépit, je voudrais m'échapper, grimper sur le tapis volant qui saura m'attraper. Flipper de participer à ce grand souper, je veux juste m'occuper de taper mon propre tempo. Et le temps ne va pas mater ma personnalité, il va tenter le tout pour le tout, mais je vais lutter. Même si longtemps j'ai été hanté, tourmenté, j'ai fait sauter les clignotants et les barrières de sécurité. Ma réalité, mentalité, c'est de gratter mon paradis à temps sans le regretter. Pour faire le tour de la terre, je n'ai pas l'éternité. Malgré tout, je reste l'enfant au rêve illimité. Et encore aujourd'hui, bien que j'ai grandi, j'ai su garder un esprit de gosse attardé. Je ne pense qu'à lézarder du lundi au samedi. Les vieilles pies que ça doit emmerder peuvent me regarder. Je me tape des ondits, des comptes rendus idiots que ces maudits aiment faire dans mon dos pour me saborder. J'ai horreur du temps perdu à porter un fardeau avant d'attendre ce fameux repos qu'on va m'accorder. Et je n'aime que ma plume, idem pour mes rimes. Quand sur mon barème, c'est le mot haine qui s'imprime, c'est mon sérum qui supprime la rue ses problèmes. Quand son programme ne me vend que drame et déprime, vivre l'âme vidée, le crâne téléguidé par la thune avant de quitter l'antenne en panne héritée. N'est pas dans ma nature, laissez-moi décider de ma trajectoire et simplement faire à mon idée. Il était 17h, il restait un peu de soleil, et on avait sorti la guitare et le violoncelle. Je me sentais tellement pas pareil. Tous les jours sont différents, voyez monsieur. C'est le premier des printemps, ça rend heureux. Le premier des printemps et la floraison des amours, la belle saison du soleil en blouson. Voyez, ça fait briller les yeux. Vous m'avez l'air fatigué. Ce sont les yeux qui brillent, qui me fatiguent, probablement. Et puis aussi, c'est cette impression bizarre de en même temps vouloir être là et en même temps avoir tellement hésité à partir qui fait que parfois on vacille, vous voyez ? Non, pas vraiment. J'ai l'impression que vous tombez comme une jonquille au jour de son enterrement. Il n'y a pas grand-chose qui vous maquille. D'ailleurs, vous auriez bien besoin d'un déguisement. On est à la radio, monsieur. L'intérêt, c'est justement qu'on peut venir complètement patraque. Pas de photo. Mais pourtant, rien ne se voit, tout s'entend. Et les marchands de sommeil jouent les mélodrames à Queen quand la lame tombe comme une larme. L'alarme pour rappeler l'incendie du grand standing, logement vital sans le virement de papa et maman. Bah justement, parfois quand on veut partir, il ne s'agit pas que de fatigue. Il y a des choses qui rendent triste. On dirait que vous vivez un peu comme une victime. Ouais, tout à fait. Je me sens bien comme ça, ouais. C'est le bureau des pleurs, qu'est-ce qui se passe ? Oui, peut-être j'aurais dû sortir avant d'être comme ça. Bon, on n'est pas des victimes. Non. Le rêve et la force ont leur rapport de face. On adore les menaces. Et voyez, à l'époque où certains sont menacés par le loyer, on va prendre la rue pour crier avant de se noyer dans l'inconnu et son costume. Ça me redonne un peu d'énergie. Parce que je vous connais. Je sais comment vous allez le faire. Qu'est-ce que vous en savez ? Je crois savoir. Vous avez mieux que nous, oui. Ah non, j'ai dit que ça me donnait l'énergie. Hein. Ne voyez pas la critique là où elle n'est pas. Déjà, vous avez un costume, ça me paraît bizarre. Connaissez-vous le goût de l'oubli ? L'espace et l'esprit qu'on découvre quand on ouvre nos abris, on dirait le Louvre. Donc ça se visite ? Pour ça, il faut avoir la clé. Quoique... clandestin, quoi qu'il arrive, jusqu'à ce que l'Aska s'invite dans ta bâtisse. Ah, celle-là, on en a entendu parler suffisamment. Pacifique jusqu'au jour de la dérive, est-ce un destin ou l'autre rive des clandestins face à la bêtise ? Vous voyez, parfois, c'est compliqué. On doit faire des choix. À qui le dites-vous ? Partir ou rester ? Doit-on s'intégrer à la violence des quartiers pour éviter la centrifugeuse du marché ? Est-ce qu'on peut continuer à discuter, même quand on se sent... menacé ? Menacé. Quand on souffre, quand on est justement à ce point où finalement ça fait du bien de parler en même temps. Trop difficile alors. On aimerait aussi tout lâcher. Vous voyez ce point de tangente ? Je vois surtout que vous m'avez tout l'air d'une victime. Victime désignée. Ah là, vous me classez, monsieur. Oui, tout à fait. Dans la catégorie à côté de la flambée des prix. Tout ça parce que mon texte parle d'autre chose que le vôtre. Tout simplement. Mes textes, il n'y a pas, je crois. Ah bon, je pensais. Je me suis mépris, excusez-moi. Vous n'aviez donc aucune arrière-pensée ? Non, plutôt une avant-pensée. Tant mieux. Et quand la flambée des prix s'envoie en l'air, le flambeau résiste à l'assaut de la mise à la rue des sans-papiers. Quoi qu'on en dise. Il y a toujours des bonnes nouvelles. Ça, c'est clair. Je vous dis, ça me redonne la pêche. Je fais pas semblant. Hein. Ouais, ouais, on voit, il y a le sourire. Ouais, Sourire en smoking. Sourire en smoking, ouais. C'est original. Heureusement qu'il n'y a pas de photo. Mais vous en savez quoi ? Qu'il n'y a pas de photo ? Je sais pas. Monsieur, votre téléphone est cassé. Spot publicitaire, une toute petite annonce. Le samedi 12 mars est organisée la première journée des quartiers populaires contre la gentrification. J'y suis, j'y reste. Les associations qui organisent, c'est des associations majoritairement de Molenbeek, donc La Rue, Bonneville, il y a aussi le Bral ou l'IEB. Le programme, c'est simple, 13h, grand repas au collectif, 14h, discussion sur les quartiers populaires, 15h30, goûter, ne le loupez pas, 17h, fin de journée, la base, allez-y. À tout vite. Et on vous dit salut au mois prochain sur les ondes de Radio Air Libre, Radio Panique et Radio Campus, c'était À la cloche de bois.